Sergeant Baron, thank you forever. Vous qu'aviez tout juste 20 ans, marié, un nouveau monde s'ouvrir, si excitant. Vous qui débutiez dans le métier, le désir d'assurer tant d'ambition. D'un côté comme de l'autre.